Les murs ont tremblé, le plafond a tremblé. J'étais assise sur le canapé, et puis donc j'ai senti le canapé qui bougeait. Voilà. Et puis il y a eu des petits objets qui sont mis à bouger. Étrangement, t'as pas encore senti les tremblements. Étranglement, c'est toujours moins douloureux qu'un éventrement. Mais manque de chance, pour toi l'ami, tu voulais prendre le vent. Nico et les tatans de glandes du rêve, ceux qui en vendent te mentent. C'est dur à prendre dedans, microclimat, non y'a pas 32 clans. Prendre le temps, c'est mort, blessuré, bande de sang. Ouais, quand c'est franc, je le sens. Comme tout le monde, je me dis c'est quand que je mange. C'est peut-être maintenant le moment où le petit plante le grand. Classé X à la Banque de France, tout ce qu'il y a à prendre, je le prends. La part du gâteau et même la tranche de flanc. Quand je suis à cran que je flanche, je me rattache à une branche de banc. Je sens que je change. Passe aujourd'hui à l'an de sang. Si l'avenir te semble blanc, viens on lit ensemble le plan. 40 degrés dans le crâne, mais sur une pente de sang. C'est fou ce qu'on entreprend. Lâche des sommeurs qui arrachent tes dents devant. T'y goûtes à peine et t'en redemandes. Peut-être que t'aimes ce test, je devrais mieux faire ce test. Que tes vieux mecs se testent. Tu récupères ce qu'on teste, te bais, toi tu voudrais que je t'aide. Ne teste pas d'être traite qui traîne avec mes couilles de test. Sœur, suis, c'est tout ce que t'es sur ta chevaux, c'est vrai que mes couilles déteignent. Si tu me les prises, je t'exécute, puis te recouvre de terre. Je pars au quart de tour pour quelques prises de tête. Déterre, je te prive de tes repères sans tu t'exprimes de telle manière que je t'ai moins compris qu'un putain de clip de texte. S'il te plaît, tu te tais, c'est l'heure du tremblement de tête. Quand tes parents demandent où t'es, tu n'es pas franchement douté. Je t'explique, j'étais ce fils, des gens qui s'en foutaient. Du textile, d'une textile, et mes gueules vis sans vous. C'est toujours le cas, ça se manque autour de taille. Pas de détail, c'était dead, c'était pareil dans le bourg de Red Day. Beaucoup de prétextes pour expliquer nos enfances pour prêter. On remercie grandement les coups de pouce que quelques poudres étaient. C'est pas trop fréquent de cette force-là quand même. Il y en a souvent, mais pas de cette puissance. Vous avez senti que ça a bougé un petit peu? Ah, ça a bougé, oui, ça a bien bougé, oui. J'ai cru que c'était ma femme qui me berçait d'ailleurs, mais non, c'était vraiment le lit qui...